إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 35 dans la série des durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, et aujourd'hui on commence à expliquer la deuxième partie dans ce chapitre des questions de Al-Janaiz, c'est-à-dire les funérailles dans l'islam. Et le deuxième sujet dans ce chapitre, c'est Ahkam al-Wafa, c'est-à-dire quand quelqu'un est mort, quelles sont les règles qu'on doit respecter et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là. Donc le cheikh, il commence et il dit: يستحب إذا مات الميت تغميض عينيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات رضي الله عنه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم. Donc Cheikh ici il mentionne que lorsque quelqu'un est mort, c'est recommandé de fermer ses yeux parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé les yeux de Abu Salama lorsqu'il est mort radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les anges viennent attraper l'âme de la personne qui est morte, son regard le suit. Donc son regard suit son âme. Alors ne dites que du bien. Ne dites que du bien, car les anges disent Amin après la parole que vous dites. Non, après chaque parole que vous dites, les anges disent Amin. Alors il faut dire du bien. C'est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Sa'id wa Abi Huraira. Ensuite, le Cheikh il dit: ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب لما روى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه. Donc c'est recommandé lorsque quelqu'un est mort de le couvrir avec un manteau ou avec un vêtement ou un morceau de tissu, comme c'est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, il a été recouvert par un manteau. Et ça c'est rapporté, c'est muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après Cheikh il dit: وَيَنْبَغِي الْإِسْرَاعِ فِي تَجْهِيزِهِ إذا تحقق موته لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود. نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que lorsque la personne est morte, il faut se dépêcher pour le préparer et pour l'enterrer après sa mort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été attribué qu'il a dit, il n'est pas, il ne, on doit, le, lorsque une personne est morte, son, le corps d'un musulman, après qu'il soit mort, ne doit pas rester entre sa famille, c'est-à-dire il doit être enterré le plus vite possible. Et c'est rapporté selon Abu Daoud, et je n'ai pas vérifié ici l'authenticité. C'est un hadith rapporté selon Al-Hussein ibn Wuhur Al-Ansari. C'est le hadith 3159 dans Abu Daoud, dans Sunan Abi Daoud. Ça c'est un peu contradictoire avec dans le sens que les gens en Occident, ils font le contraire de ça. Lorsque quelqu'un est mort, ils le gardent longtemps, hein, ils le mettent peut-être même dans un congélateur, et puis après ils vont l'exposer pendant une longue période de temps. Et ça, bien entendu, c'est des choses qui sont contraires à la sunna, et donc c'est quelque chose que les musulmans doivent contredire, par le fait que c'est contraire à notre religion. Donc le cheikh ensuite il dit لِأَنَّ ذَلِكَ حِفْظًا لِلْمَيِّتْ مِنَ التَّغَيُّرِ. C'est pour pas que le mort commence à se décomposer ou commence à changer. قال الإمام أحمد رحمه الله كرامة الميت تعجيله. Comme l'imam Ahmed a dit, si vous voulez honorer le mort, alors dépêchez-vous à l'enterrer. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى على الميت من التغير. Cheikh il dit, mais il n'y a pas de mal d'attendre qu'un de ses proches ou quelqu'un qui est responsable de lui vienne s'il n'est pas loin, et qu'on n'a pas peur que le mort commence à se transformer ou commence à décomposer ou à changer après sa mort. Donc si la personne est proche, à proximité, et que ça ne va pas prendre trop de temps pour les faire venir, dans ce cas-là, on peut attendre qu'ils arrivent pour le voir. Pour être là, tandis que s'il est trop loin, comme s'il est dans un autre pays, ou bien s'il est dans une distance trop longue qui va prendre trop de temps, dans ce cas-là, il ne faut pas attendre. Le cheikh il dit ensuite, ويباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة لتهيئه donc il dit c'est bon d'annoncer que il dit c'est permis d'annoncer la mort d'un musulman dans le but de se dépêcher à faire la préparation pour la janaza, comme le cheikh dit, wa huduri janazatihi wa salati alayhi wa du'a ilahu. Amma al-i'lam bi maut al-mayyit ala sifati al-jaza wa ti'dad al-mufakhara wa ti'dad mafakhirihi fadhalika min fi'l al-jahiliyyah wa minhu hafalat al-ta'bin wa iqamat al-ma'atim. Donc le cheikh il dit ici que c'est permis d'annoncer la mort d'un musulman et de se dépêcher à le préparer, et dans le but que les gens se dépêchent à faire la préparation puis à se présenter pour ses funérailles et la salat sur lui et faire le doigt pour lui, et d'annoncer la mort d'un musulman. Donc dans ce cas-là c'est permis. Toutefois, si c'est fait avec une certaine affliction, comme d'annoncer le mort avec sa mort avec une affliction, ou bien commencer à mentionner ses bienfaits puis son honneur, comme les koufars souvent ils font lorsque quelqu'un est mort, ils amènent quelqu'un qui va commencer à parler de lui puis le vanter, dire toutes sortes de belles choses qu'il a fait, comme les gens faisaient dans la jahiliya. Le cheikh il dit que ça c'est pas permis. Après le cheikh il dit ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر وقد قدمها الله في الذكر على الدين اهتماما بشأنها وحثا على إخراجها. Donc le cheikh il dit que c'est recommandé de mettre en exécution son testament le plus vite possible. Pourquoi? Parce que dans le fait de mettre d'appliquer son testament, il y a dans ça le fait que la récompense sera plus vite. Il aura plus vite la récompense de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait précéder, ou l'a précédé le testament, la mention du testament à la dette. Il a précédé la mention du testament à la dette. Et il dit que ça c'est parce que c'est une chose très importante. Et pour inciter les gens donc à sortir et à exécuter son testament. Le cheikh dit ensuite, ويجب الإسراع بقضاء ديونه سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر أو طاعة أو كفارة أو كانت الديون لآدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية سواء أوصي بذلك سواء أوصى بذلك أم لم يوصي به لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المسلم معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد الترمذي وحسنه. Donc le cheikh il dit que c'est également recommandé. Non, le cheikh il dit pas que c'est recommandé, il dit que c'est obligatoire de payer les dettes de ce mort, que ce soit des dettes envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple une zakat qu'il n'a pas payée, ou bien un hajj qu'il n'a pas fait, ou bien un vœu qu'il n'a pas, un vœu d'obéissance qu'il n'a pas mis en exécution, ou bien une kafara, c'est-à-dire une expiation pour un péché qu'il n'a pas fait. Donc de le faire pour lui, ça c'est une dette qu'il avait envers Allah. Et également s'il a une dette envers un être humain, donc par exemple quelqu'un avait mis un dépôt entre ses mains, de le rendre. S'il avait pris quelque chose qui appartenait à quelqu'un, de le remettre à qui ça appartenait. Ou si quelqu'un lui avait prêté quelque chose, de lui remettre ce qu'il avait prêté, peu importe qu'il l'ait mis dans son testament ou qu'il ne l'ait pas mis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'il a dit à ce sujet-là que le mu'min, lorsqu'il est mort, il est accroché à sa dette. C'est-à-dire sa situation dans la tombe est reliée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit payée pour lui. C'est-à-dire que il sera châtié dans la tombe jusqu'à ce qu'on ait payé sa dette. Ok, ça c'est quelque chose de, c'est ça ce qui est expliqué dans ce hadith qui est rapporté selon Abi Huraira par l'imam Ahmad al-Tirmidhi et Ibn Majah. Ensuite, le cheikh il dit, أي مطالبة بما عليه من الدين محبوسة ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت وهذا في من له مال يقضى منه دينه ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه. Donc il dit le cheikh que c'est ça, il doit payer sa dette, et que il y a dans ce hadith une incitation à se dépêcher à payer la dette de la personne qui est morte. Et il dit que ça c'est pour celui qui a de l'argent et qui est capable de la payer. C'est-à-dire celui qui a laissé de l'argent et que c'est suffisant pour payer sa dette. Mais celui qui n'a pas d'argent et qui meurt alors qu'il avait l'intention sincère, il était déterminé à la payer, mais qui n'avait pas d'argent pour le faire, alors c'est rapporté à son sujet dans les ahadith que Allah subhanahu wa ta'ala va régler ses dettes pour lui. Ça c'est ce que le cheikh a dit ici. Ensuite on arrive au troisième point dans ce sujet. On arrive au troisième sujet dans les janazas, dans le funérail, c'est tarsil ul mayyit, c'est-à-dire pour laver le mort. C'est quoi les règles? Comment on doit laver le mort? Le cheikh il commence, il dit: ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله. قال صلى الله عليه وسلم في اغسلوه بماء وسدر. Le cheikh il dit que parmi les règles de la janaza, c'est obligatoire de laver le mort une fois qu'on a su qu'il est mort et que c'est possible de le laver, qu'on est capable de le laver, il faut le laver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans une histoire à propos d'un homme qui était mort. Il a dit irsiluhu bima'in wa sidr, c'est-à-dire lavez-le avec de l'eau et des feuilles de cèdre. Et c'est rapporté dans un hadith. En fait, c'est des feuilles d'un arbre qui s'appelle sidr en arabe. Je sais pas si c'est le cèdre en français, mais en tout cas c'est un arbre qui s'appelle cèdre. Et c'est un hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas. وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا. C'est rapporté avec un grand nombre de hadiths qui prouvent que te laver le mort, ça fait partie de l'islam, par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par son action également. Et comme c'est rapporté dans plusieurs hadiths dans Al-Bukhari et Muslim, dans le chapitre des funérailles. Et le cheikh dit: وَرُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ الطَّاهِرُ الْمُطَاهِرُ فَكَيْفَ بِمَنْ سِوَاهُ فَتَغْسِيلُ الْمَيِّتْ فَرْضُ كِفَايَ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Le cheikh il dit: même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est le pur et celui qui purifie, eh ben il a été lavé lui-même, hein, comme c'est rapporté dans par Al-Bayhaqi, un hadith de Aïcha, et également Ibn Abdurrazzaq dans Al-Musannaf, et également Ibn Abi Shayba dans Al-Janaiz également. Donc il a été lui-même lavé, donc qu'est-ce qu'on peut dire de ceux en dehors de lui? Donc c'est encore plus important. فالتغسيل الميت فرض. Il dit que de laver le mort c'est fard kifaya, c'est-à-dire si quelqu'un l'a fait alors c'est plus obligatoire pour le reste de le faire. والرجل يغسله الرجل والأولى الأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على وجه الشرع. Le cheikh dit que l'homme, c'est un homme qui doit le laver. Si un homme est mort, c'est un homme qui doit le laver. Et le mieux pour ça, c'est de choisir quelqu'un qui connaît les règles, quelqu'un qui est fiable et quelqu'un qui connaît les règles de comment laver le mort. Parce que c'est un verdict ou c'est un jugement qui a rapport avec la révélation et la charia et qui doit être fait selon une description spécifique. Donc on doit laver d'une façon spécifique selon la sunna. Et quelqu'un ne peut pas faire ça excepté s'il a la connaissance nécessaire pour le faire de la façon islamique et selon la charia. Le cheikh dit: وَيُقَدَّمْ فِي تَوَلِّ تَغْسِيلَ الْمَيِّتِ وصيه فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين وهذا المعين عدل ثقة فإنه يقدم في تولي تغسيله وصيه بذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. Donc le cheikh il dit que on donne la précédence dans le, pour laver le mort, on donne la précédence à celui que le mort avait mentionné dans son testament. Donc si le mort avait mentionné dans son testament qu'il voulait que quelqu'un en particulier le lave, alors on donne à cette personne la précédence. Cette personne en particulier, c'est quelqu'un de fiable et quelqu'un de juste, donc on le passe en avant. On lui donne la précédence dans ça, comme Abu Bakr, ça a été rapporté qu'il avait demandé que ce soit sa femme, Asma bint Umays, qui le lave. Donc c'est rapporté. Ok, c'est rapporté. Ah oui, tout à l'heure j'ai parlé de Aïcha qui a. J'ai parlé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été lavé lui-même quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit que c'était rapporté par Al-Bayhaqi et Abdurrazzaq et Ibn Abi Shayba. Toutefois, non, c'est pas cette histoire-là qui est rapportée par ces trois-là, c'est l'histoire de Abu Bakr qui a demandé à sa femme de le laver dans son testament, tandis que la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lavé lorsqu'il est mort, c'est rapporté selon Aïcha par Abu Daoud et Ibn Majah. Abu Daoud c'est le hadith 3141 et Ibn Majah c'est le hadith 1464. Donc ça c'est la correction pour ça. Cheikh dit falmar atu yajuzu an tursil zawjaha. Donc ça c'est la preuve que il dit que la femme peut laver son mari. Kama an ar-rajul yajuzu an yughsila zawjatahu. Et l'homme il a le droit également de laver sa femme. Wa awsa Anas radiyallahu anhu أن يغسله محمد بن سيرين. Il dit que également Anas avait demandé, Anas ibn Malik avait demandé que ce soit Muhammad ibn Sirin qui le lave. ثم يلي الوصي في تغسيله الميت أبو الميت. La personne qui a été commandée, par exemple, dans le testament, si quelqu'un avait commandé quelqu'un dans le testament, puis que cette personne-là, elle n'est pas disponible, alors la deuxième personne ou la personne qui vient en deuxième, c'est le père du mort. Fahuwa awla bi taghsil ibni. Il dit, il a plus de droit de laver son fils. Nirtisasihi bil hunu wa shafaqa ala ibni. ثم جده لمشاركته للأب في معنى المذكور ثم الأقرب فالأقرب من عصابته من عصابته ثم الأجنبي منه. Donc le cheikh il dit ensuite après le il dit pourquoi le père a plus de préférence dans ce sujet, c'est parce que il a plus d'affection que pour son fils que quiconque. Et donc, étant donné que il a plus d'affection puis d'attention pour son fils, c'est lui qui doit prendre la précédence. Ensuite, son grand-père, parce que il a la même chose également, il est plus proche de son petit-fils puis il a de l'affection pour lui. Donc, ensuite le cheikh il dit puis si le père ou le grand-père les deux sont pas disponibles, ben c'est ceux qui sont le plus proches de lui dans sa famille et ainsi, en descendant. Puis ensuite un étranger, n'importe quel musulman, et c'est dans cet ordre là qu'on doit c'est cet ordre de préférence là qu'on doit respecter dans le sujet pour laver, pour savoir qui va laver le mort. وإذا كانوا كلهم إلدي ثم الأجنبي وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطلبوا به وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له. Il dit que ça, c'est cet ordre de préférence là, on la respecte si on prend en considération ou bien si on comprend que tous ceux-là connaissent comme il faut les règles pour laver le mort. Toutefois, si ils ne connaissent pas, si tous ces gens-là ne connaissent pas comment laver le mort, alors on met toujours en précédence celui qui a les connaissances des règles pour savoir comment le laver, comment laver la personne qui est morte. Cheikh, il dit ensuite, wal mar'atu tursiluha an-nisa. Il dit que la femme, c'est les femmes qui la lavent. Wal awla bi tarsili al-mar'a al-mayta wasiyatuha. Fa in kanat awsat an tursilaha imra'atan mu'ayyanatan qaddimat 'ala ghayriha. إذا كان فيها صلاحية لذلك ثم بعدها تتولى تغسيلها القربة فالقربة من نسائها. Le Cheikh, il dit quoi? Il dit que il dit la même chose qu'on a dit pour l'homme tout à l'heure. Il le dit pour la femme. Il dit que si la femme a déjà demandé à quelqu'un, avait désigné quelqu'un pour la laver, alors c'est cette personne-là qui doit la laver, cette femme-là qui doit la laver. Et si elle n'a pas, si elle n'a pas la connaissance ou si elle n'est pas capable de le faire, elle, alors c'est une autre qui doit prendre sa place. Et c'est la femme qui est plus près d'elle, dans sa famille, parmi les femmes, une après l'autre, c'est-à-dire, en ordre. فَالْمَرْأَةُ فيتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق. Donc c'est comme on a dit, c'est la femme le plus elle est proche d'elle, plus elle a priorité dans le lavage de pour la laver. La même chose pour l'homme. Et c'est dans l'ordre qu'on a mentionné. Ensuite le cheikh dit ولكل واحد من الزوجين تغسيل صاحبه فالرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجها لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته ولأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة وورد مثل هذا أو مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة. الشيخ الدي chaque époux a le droit de laver son époux, yani. Donc l'homme a le droit de laver sa femme et la femme a le droit de laver son mari. Et l'homme فالرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها. C'est ça. L'époux a le droit de laver sa femme et la femme a le droit de laver son mari. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, il a demandé à sa femme de le laver, avait demandé que ce soit sa femme qui le lave, et Ali radiallahu anhu, c'est lui qui a lavé sa femme Fatima radiallahu anhu majma'in. Et le Cheikh dit wa min dhalika Ibn Mas'ud wa Abdurrahman Ibn al-Aws Ibn al-Aswad. Il y a beaucoup d'autres aussi parmi les Sahaba, on a rapporté qu'ils avaient fait les mêmes demandes à leurs épouses, comme Ibn Mas'ud et Abdurrahman Ibn al-Aswad. Ok, ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Janaiz. Et en ce qui concerne la mention de Ali qui a lavé sa femme Fatima radiyallahu anhuma, et ben c'est rapporté par Al-Bayhaqi, Abdurrazzaq et Ad-Darqutni. Ensuite le Cheikh il dit ولكل من الرجال والنساء غسل غسل له من دون سبع سنين ذكرا كان أو أنثى. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير لأنه لا عورة له في الحياة فكذا بعد الموت لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. OK. Donc tous les hommes et les femmes, ils ont le droit de laver un enfant qui est plus petit ou plus jeune que 7 ans. Que ce soit un garçon ou une fille. Et ça c'est ensuite il mentionne les paroles de Ibn al-Mundhir dans Al-Ijma' et également dans Al-Awsat selon Al-Hassan. Donc il y a des mentions comme ça, ça dit que yani, tous les ulama de qui on apprend la religion, ils sont tous d'accord parmi les gens du ilm qu'une femme a le droit de laver un petit garçon qui est jeune. Yani, s'il a moins de, comme on a dit, comme le cheikh a dit, s'il a moins de 7 ans. Et il explique en disant que c'est parce qu'il n'a pas de aura. Il n'a pas de aura parce qu'il n'est pas encore développé. Hein, c'est un enfant, donc il n'y a pas de problème. Donc, un homme ou une femme ont le droit de laver un petit garçon ou une petite fille de moins de 7 ans. Il n'y a pas de problème. Et c'est mentionné également que, comme le cheikh a dit, que Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les femmes qui l'ont lavé. Parce qu'il est mort quand il était bébé. Il était tout petit. Après, il dit le cheikh, « وَلَيْسَ لِمْرَأَةٍ غَسْلُ ابْنُ سَبْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرْ وَلَا لِرَجُلٍ غَسْلَ ابْنَةِ سَبْعِ سِنِينَ فَأَكْثَرْ » Il dit que c'est pas permis pour un homme de laver, c'est pas permis pour une femme de laver un garçon de plus que 7 ans, et c'est pas permis pour un homme de laver une petite fille, une fille de plus que 7 ans. Donc une fois qu'elle a 7 ans, ça doit être, si c'est un petit garçon qui a plus que 7 ans, c'est les hommes qui doivent le laver, et si c'est une fille qui a plus que 7 ans, c'est les femmes qui doivent la laver. Ensuite, le cheikh dit, وَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُغَسِّلَ كَافِرًا أَوْ يَحْمِلَ جَنَازَتَهُ أَوْ يُكَفِّنَهُ أَوْ يُصَلِّ عَلَيْهِ أَوْ يَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته. وقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولا يدفنوه ولكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثته ولإلقاء قتل بدر في القليب. وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا موقف التبري والبغضاء. Donc ici le cheikh il mentionne un point important, surtout pour les gens qui habitent en Occident ou bien pour des gens qui sont convertis à l'islam. Le cheikh il dit il n'est pas permis pour un musulman de laver un kafir qui est mort. Un kafir lorsqu'il est mort, c'est pas permis pour un musulman de le laver ni de porter son sa funéraille, son cercueil, ou de porter son corps yani une fois qu'il est mort. Et c'est pas non plus permis de le préparer comme deux. Ici on met dans un cercueil le corps, tandis que dans l'islam qu'est-ce qu'on fait, on l'entoure avec un drap yani, ou quelque chose d'un tissu, et on fait comme on appelle le terme exact, je me souviens plus, mais en tout cas qu'est-ce qu'on fait, on l'enroule avec un morceau de tissu, et puis on utilise ça comme pour l'enterrer dans la terre, tandis que les koufars, eux, ils mettent le corps dans un cercueil. Donc tout ça, que ce soit un ou l'autre, c'est pas permis de faire ça pour un kafir lorsqu'il est mort, et c'est pas permis non plus de prier pour, sur lui lorsqu'il est mort, et on n'a pas le droit non plus de suivre son comment on dit ici on dit son cortège, ou bien en tout cas de suivre son corps lorsqu'il est mort pour le, lorsqu'il est dirigé vers le cimetière. Tout ça c'est pas permis, et le cheikh il mentionne comme preuve, il dit: oh vous qui avez cru, ne prenez pas en amitié, ou bien ne prenez pas pour alliés ceux sur qui la colère d'Allah est sur eux. Et ça c'est le verset 13 dans sourate Al-Mumtahana. Ensuite le cheikh il dit que ce verset là prouve en général, par son sens général, l'interdiction de laver et de porter et de suivre le corps du mort et de suivre son cercueil. Ensuite il dit un autre verset, dans le verset 84 dans sourate Tawba, qui dit: et ne prie pour aucun d'entre eux lorsqu'il meurt, hein, et ne te tiens jamais sur sa tombe, parce qu'ils ont mécru en Allah. Donc ça veut dire que tu peux pas prier sur un kafir jamais, et tu peux pas te tenir sur sa tombe pour faire un doa pour lui ou autre, hein. Donc une fois qu'il est kafir, il est mort dans le kufr, c'est fini. Et en passant, pour la question des cercueils, il y a des ulama qui ont posé la question, il y a des gens qui ont posé les questions aux ulama à ce sujet là et ils ont répondu que c'est pas permis pour les musulmans de mettre les corps dans des cercueils et de les enterrer dans des cercueils. C'est contraire à l'islam, c'est contraire à la sunna. Toutefois, si ça fait partie des règles et des lois du pays où on est et qu'on n'a pas le choix, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de le faire. Toutefois, ça c'est une des inconvénients du fait de vivre dans les pays de kufr, hein, qu'on vit pas, on veut vivre chez les kuffars, mais parfois qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de faire enterrer nos frères musulmans lorsqu'ils meurent, et nos sœurs musulmanes, de les faire enterrer dans des pays musulmans. Et ça montre la contradiction parfois, hein, de certaines positions qu'on prend, et de venir vivre chez les koufars. Donc on a des situations où chaque fois qu'un musulman est mort, eh ben on a besoin de ramasser de l'argent pour faire rapatrier le corps de ce musulman là qui est mort pour l'envoyer dans son pays. Donc ça c'est bien entendu, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, yani, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour d'autres choses. Donc les gens, yani, bien entendu, personne ne sait quand il va mourir. Toutefois, yani, c'est-à-dire de faire ce qu'on peut pour éviter des situations pareilles et pour qu'on puisse être enterré dans un pays musulman, dans un cimetière musulman. Hein? Et donc, ça c'est une chose importante. Il y a une autre question aussi. C'est que ces gens-là ici, ils font de l'argent avec la mort. Ils font de l'argent avec tout, même avec la mort. Donc même pour mourir ici, tu dois avoir beaucoup d'argent, yani, sinon yani, c'est des problèmes pour te faire enterrer. Alors que dans l'islam, yani, enterrer ça coûte rien, et mourir ça coûte rien, yani. On prend le corps puis on le met dans la terre, on le lave et on prie sur lui puis on le met dans la terre selon les règles de l'islam, et ça coûte rien. Donc on voit encore une fois comment ces gens-là, ils n'ont pas de limite. Même dans la mort, ils font de la distinction entre les hommes. Certains hommes ont le droit de se faire enterrer dans certains endroits, tandis que d'autres, hein, des hommes et des femmes, eh ben, les pauvres, ils ne peuvent pas se faire enterrer à ces endroits-là. C'est réservé aux riches. Donc on voit comment ils font des différences entre les gens, même après la mort. Et ça c'est un exemple qui est totalement opposé et contraire à l'islam. Donc, on continue. Le cheikh, il dit, comme une autre preuve pour montrer qu'on n'a pas le droit d'assister à la mort ou à la funéraille aux funérailles d'un kafir lorsqu'il meurt, peu importe qui il est. Il dit وقال تعالى وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. Il n'est pas permis au prophète ni à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mushrikins. Ça c'est le verset 113 dans sourate Tauba. Et il dit wala yadfinuhu walakin idha mat. Ouais, c'est ça. Donc on n'a même pas le droit non plus de l'enterrer. On n'a pas le droit non plus d'enterrer le kafir. Et s'il y a personne pour l'enterrer, hein, par exemple il est mort, puis il n'y a personne parmi les koufars qui peuvent l'enterrer, alors le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette dans un trou, hein, pour éviter qu'on fasse du mal à son corps, une fois qu'il est mort, ou bien qu'il se décompose et autre chose. Donc on le jette dans un trou comme on a jeté les morts à la bataille de Badr dans un trou, yani. Donc c'est juste pour dire que on l'a jeté quelque part. Et après le cheikh il dit وَكَذَا حُكْمُ الْمُرْتَدِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ عَمْدًا وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ الْمُكَفِّرَةِ وَهَكَذَا يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ حَيًّا وَمَيْتًا. Donc il dit que pour le murtad, celui qui a apostasié l'islam, c'est la même punition ou c'est le même traitement que le kafir qui est mort. On jette son corps quelque part dans un trou ou dans un espace désert, puis on ne prie pas sur lui, puis on ne le lave pas. Puis le cheikh il mentionne comme les exemples de murtad, il mentionne celui qui n'a pas fait la prière ou qui a abandonné la prière volontairement, amdan. Et comme on a déjà expliqué au sujet du tariq al-salah, c'est pas tous les ulama qui sont d'accord pour dire qu'il est murtad. Donc à ce sujet-là, bon, on va pas entrer dans le sujet, mais c'est juste pour expliquer que c'est pas tout le monde qui sont d'accord à ce sujet-là. Toutefois, tout le monde est d'accord que il doit être exécuté, mais pas sur le fait qu'il est murtad. Les koufars qui étaient morts dans la bataille de Badr, ils les ont jetés leur corps dans un puits. Donc c'est juste pour montrer que le kafir n'a pas d'honneur quand il meurt. Et donc la même chose pour le murtad et pour celui qui a une bid'a qui le rend kafir, hein, qui est tombé dans une bid'a de kouf ou de shirk, quelque chose de ce genre. Celui-là, lorsqu'il meurt, non plus on ne l'enterre pas, on le jette dans un trou ou quelque chose comme ça, puis on prie pas sur lui, puis on ne lave pas, puis on fait pas de doigts pour lui, etc. Et il dit que ça doit être la position de tout musulman vis-à-vis du kafir dans sa vie et après sa mort. Il doit se désavouer de lui et le détester. Naam. Après le cheikh il dit وقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه وإذا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Le cheikh il dit que ça c'est exactement l'exemple qui est mentionné dans le Coran à propos de Ibrahim al-Khalil, hein, et ceux qui étaient croyants avec lui. Ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, et nous vous renions, et entre nous et vous il y a l'animosité et la haine jusqu'à ce que vous croyez en Allah lui seul, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous abandonniez tout ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura toujours entre vous et nous la haine. Et ça c'est l'attitude de tous les musulmans et de tous les croyants envers un kafir. On dit si vous voulez que il y aura toujours entre vous et nous cette animosité, parce que vous êtes des kuffars, vous croyez pas en Allah et vous faites le shirk, vous associez avec Allah. Tant que vous allez être dans cette situation-là, il y aura toujours entre vous et nous cette animosité et cette haine. Il n'y a pas de problème pour qu'on fasse du commerce ensemble ou pour qu'on interagisse dans certaines choses de la dunya, hein, et qu'on vous traite avec gentillesse et justice. Il n'y a pas de problème. Toutefois, en dehors de ça, il ne peut pas y avoir entre vous et nous ni d'amitié, ni de fraternité, ni de lien d'alliance ou quoi que ce soit en dehors de ça. Uniquement cette animosité et cette haine entre nous du fait que vous rejetez la vérité qui vient d'Allah. Il mentionne aussi un autre verset qui dit قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset, le verset 22 dans Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que vous ne trouverez aucun peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui prenne pour amis ou qui aime les gens qui se sont opposés à Allah et à son messager, que ce soit leur père, leur fils, leur frère ou leur proche. Donc ça veut dire que peu importe qui ce kafir peut être, que ce soit ton frère, ton oncle, ton père, peu importe qui il peut être, s'il est kafir, tu peux pas l'aimer, tu peux pas prendre l'amitié pour lui, ça c'est clair. Donc imagine, si c'est en dehors de ces gens-là, de ta famille, imagine si c'est le cas pour ton père et tes frères et puis tes fils. Alors imagine pour les autres, imaginez pour les autres. Hein? Et il y a des parents parfois, ils ont un fils qui devient kafir et ils continuent à l'aimer. Ou bien ils ont une fille qui devient kafira ou murtadda, qui quitte l'islam et ils continuent à l'aimer et à la défendre. Et ils pensent que ça c'est correct. Hein? Il y en a qui appellent ça parmi les kuffars l'amour inconditionnel. Hein? C'est-à-dire on aime quelqu'un inconditionnellement, peu importe sa situation, peu importe qu'est-ce qu'il fait, qu'il soit mu'min ou kafir, c'est pas grave, on doit l'aimer parce que on l'aime inconditionnellement. Et ça c'est haram dans l'islam. On doit aimer avec condition. La condition de cet amour qu'on doit avoir c'est l'iman, la foi. Et le cheikh il dit وَذَلِكَ لِمَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ مِنَ الْعَدَاءِ وَلِمُعَادَاتِ الْكُفَّارِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِدِينِهِ فَلَا تَجُوزُ مُوَالَتُهُمْ أَحْيَاءً وَلَا أَمْوَاتًا. Le cheikh il dit ça c'est à cause de l'opposition et l'opposition qu'il y a entre le kufr et l'iman, et à cause du fait qu'il y a cette animosité entre les kuffars, ceux qui ont mécru en Allah et en son messager et en sa religion, et les mu'minines. Et donc c'est pas permis de les prendre pour alliés et de les aimer et de les prendre pour amis, qu'ils soient vivants ou morts. Et on voit que parfois les musulmans, ils donnent aux kuffars le bénéfice du doute et ils leur font confiance et ils les prennent en amis et ils leur font des confidences. Et ils parlent avec eux comme si ils sont inoffensifs et innocents, alors qu'ils ne savent pas qu'au fond d'eux-mêmes, ces choses-là, ça retourne contre les musulmans à la fin. Parce que un kafir, il veut pas du bien aux musulmans. Hein? Et s'il veut du bien aux musulmans, c'est parce qu'il aime l'islam et parce qu'il veut se convertir à l'islam. Et s'il veut juste parler avec un musulman comme ça, et après le musulman il les prend comme amis, eh ben c'est parce que ce musulman là il est inconscient de la réalité de ce que signifie le kufr. Et je vous donne juste un exemple pour n'importe quel musulman qui prend un kafir comme ami, que ce soit une femme qui prend une kafira comme ami, ou bien que ce soit un homme qui prend un kafir comme ami. Eh ben, parlez de religion avec eux, vous allez voir tout de suite leur attitude. Parce que souvent, ces musulmans-là, ils parlent jamais de religion avec eux. Ils parlent de choses de la dunya. Alors, parlez de religion avec eux. et appelez-les à la vérité, vous allez voir la réaction de ces gens-là. Vous allez voir si ce sont vraiment des amis ou bien si ce sont juste des gens qui prétendent. Ils vont dire, ah, moi je parle pas de religion, hein, parce qu'ils le savent très bien. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit, wa nas'al Allah an yuthabbit qulubana 'ala al-haqq wa an yahdiyana siratahu al-mustaqim. Il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la fermeté dans la vérité et de nous guider à son droit chemin. Ensuite il dit, wa yashtaritu an yakuna al-ma' alladhi yughassilu bihi tahuran mubahan والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بأس بتسخينه. الشيخ il dit que comme condition il faut que cette eau qu'on utilise pour laver le mort soit pure et non seulement pure mais purifiante également, c'est-à-dire elle doit être permise, elle doit pas être mélangée avec aucune impureté. Et le cheikh il dit, le mieux c'est que cette eau-là soit froide, sauf si par exemple on en a besoin pour enlever une saleté qui est sur le mort, ou bien si par exemple il fait très très froid. Donc dans ce cas-là on peut la réchauffer un peu, l'eau pour aider dans ces cas-là. Et le cheikh il dit, wa yakunu at-taghsil fi makanin masturin 'ala al-anzar. Donc le lavage doit être fait dans un endroit où on sera à l'abri des regards. Wa masqufun min baytin aw khaymatin wa nahwihima in amkan. Et le mieux c'est qu'il y ait un toit à cet endroit, soit une maison ou bien une tente. Wa yustaru ma bayna sutratil mayyit ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه ولينصب عنه الماء وما يخرج منه. الشيخ الزيكة il est obligatoire avant de commencer le lavage de couvrir le mort entre le nombril et ses genoux. Donc il faut recouvrir sa aura avant de commencer le lavage pour pas que sa aura soit exposée. Ensuite, on enlève ses vêtements, puis on le place sur le lit ou sur la place où on va le nettoyer. Et c'est recommandé, le cheikh il explique qu'il faut que cette table ou bien l'endroit où on le lave, c'est bien si elle est un peu inclinée en direction de ses jambes vers le bas, comme ça l'eau qui sort, l'eau qu'on utilise pour le laver, elle va pas rester, elle va couler en même temps, donc et ce qui va sortir du mort également. Donc c'est mieux qu'elle soit un peu inclinée légèrement pour faire circuler l'eau. Ensuite le cheikh il dit, ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل ويكره لغيرهم حضوره. Le cheikh il dit que parmi les gens qui doivent être présents, c'est la personne qui lave et quelqu'un pour l'aider à laver, parce que des fois il y a des personnes qui peuvent être lourdes et très difficiles à manœuvrer. Donc des fois c'est bon d'avoir une autre personne pour nous aider pour laver le mort. Et c'est décommandé ou bien c'est détestable que quelqu'un d'autre assiste au lavage du mort. Le cheikh dit, wa yakunu at-taghsilu bi an yarfa' al-ghasil ra's al-mayyit ila qurb julusi thumma yamurru yadahu 'ala batnihi wa ya'suruhu bi rifqin ليخرج منه ما هو مستعد للخروج ويكثر صب الماء عندئذ ليذهب بالخارج. Cheikh il dit que il commence pour, avant de laver le mort, qu'est-ce qu'il commence à faire? il soulève la tête du mort et il le met comme si pour l'asseoir. Il le soulève sa tête et il le met presque assis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse légèrement sur son ventre pour faire sortir ce qui reste, qui était prêt à sortir. D'accord? Et lorsqu'il fait ça, il jette beaucoup d'eau, ou bien il fait couler beaucoup d'eau pour pouvoir faire passer qu'est-ce qui sort du mort à ce moment-là, pour que, disons, les excréments ou l'urine ou les autres choses vont couler et vont s'en aller avec l'eau. Ensuite, ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت ويبقى المخرج وينقي المخرج بالماء. Il dit que la personne qui fait le lavage, elle enroule sa main avec un morceau de tissu assez rude, ou bien pas rude, mais disons qui est assez épais. Il enroule sa main avec un tissu, et qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie l'endroit où les excréments sont sortis, puis les urines et tout ça, avec ce tissu-là, et il les lave comme il faut. Summa yanwi tarsil wa yusammi. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? C'est juste comme, disons, avant de commencer le ghusl. Comme lorsque, par exemple, on veut se laver, on veut faire notre wudu, on commence, lorsqu'on a été aux toilettes, on commence et on fait notre istinja. Donc c'est comme si on commence à faire l'istinja pour le mort également, avant de le laver. Parce que si on fait pas ça avant, eh ben ça va être encore des impuretés qui vont sortir. Donc on commence par enlever ces impuretés là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir l'intention de le laver et on dit bismillah. OK? Wa yudhi'uhu kawdu' as-salah. إلا في المضمضة والاستنشاق يكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومخرجي ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء ولا يدخل الماء في فمه ولا أنفه. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit ici que la personne, une fois qu'elle a dit bismillah, elle commence à faire le wudu de la personne. Elle commence à faire le wudu de la personne comme le wudu pour la prière. Excepté qu'elle lui fait pas l'eau dans le nez et dans la bouche. Il dit que c'est suffisant pour la personne qui lave de frotter ses dents, les dents du mort, et l'entrée de ses narines avec un doigt mouillé ou avec un linge mouillé, sans faire entrer d'eau dans sa bouche et dans son nez. Ensuite, il dit ثُمَّ يُغَسِّلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِرَغْوَةِ سِدْرٍ أَوْ صَابُونَ ثُمَّ يُغْسِلُ مَيَامِنَ جَسَدِهِ. Donc, le cheikh il dit que il lave la tête du mort et sa barbe avec de l'eau savonneuse, ou bien de l'eau avec du cèdre dedans, cidre, hein, ou de l'eau savonneuse. Puis, ثُمَّ يُغَسِّلُ الْمَيَامِنَ. Donc, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il nettoie tout le côté droit du mort. Il commence par la droite. Il va laver. Il commence, le cheikh il dit, il commence par son cou, du côté droit. Puis, comme s'il s'imagine une séparation au centre, on va dire que la personne est divisée en deux parties, le côté droit, le côté gauche. Donc, il lave tout le côté droit de la personne en premier. Il commence par le cou, après avoir lavé la tête, il commence par le cou, puis l'épaule droite, puis le bras droit, hein, et la poitrine droite, et le côté du corps droit, et ensuite la jambe et jusqu'au pied, hein. Donc tout ça, le côté droit, il le fait en premier. Et il fait la même chose pour le côté gauche, hein. Il dit: ثم يده اليمنى وكتفه ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك. Donc il refait la même chose pour le côté gauche. Ensuite, فيغسل شق ظهره الأيمن. Non. Ensuite, il le retourne sur son ventre et il lui lave le dos et tout le côté droit et le côté gauche, comme on a dit tout à l'heure, mais excepté maintenant qu'il le fait pour le dos. Tout à l'heure, c'était pour le dessus, le ventre et tout, quand il était à plat sur le dos. Maintenant, on le refait quand il est sur le ventre. Et il dit... ويستعمل الصدر il utilise l'eau savonneuse encore une fois pour le laver. ويستحب ان يلف على يده خرقه حال التغسيل dit c'est recommandé de couvrir la main avec un tissu lorsqu'il lave le corps. Ensuite il dit والواجب غسله واحده ان حصل الانقاء والمستحب ثلاث غسلات وإن لم يحصل الإنقاء زاد وإن لم يحصل الإنقاء زاد في غسلات حتى ينقى إلى سبع غسلات ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. C'est que oui, le cheikh dit qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de le laver une fois. Si on l'a nettoyé comme il faut avec une fois et que c'est suffisant, c'est correct. Sinon, c'est recommandé de le faire trois fois. Et si après trois fois, la personne n'est pas encore nettoyée comme il faut, eh bien, c'est permis de le faire jusqu'à sept fois. Et le cheikh dit que c'est recommandé que pour la dernière fois, on utilise du camphre. Parce que ça endurcit le corps et ça lui donne une bonne odeur et ça le rafraîchit. Donc le cheikh dit لأنه يصلب البدن الميت ويطيبه ويبرده فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره. Et pour ça il dit, étant donné que ça a une bonne odeur, eh ben on le met en dernier, dans le dernier lavage, pour que ça reste. Ensuite, le cheikh dit ثم ينشف الميت بثوب ونحوه ويقص شاربه وتقليم أظافره إن طالت ويأخذ شعر إبطي ويجعل المأخوذ معه في الكفن ويظفر شعر رأسه يظفر شعر رأسه أو pardon رأس المرأة شعر رأس المرأة ثلاث قرون ويزدل من ورائها. Il dit que également après, qu'est-ce qu'on fait? On assèche le corps du mort avec un linge ou quelque chose pour assécher son corps. Ensuite on coupe sa moustache et on coupe ses ongles, même s'ils sont longs. Et on coupe également les poils en dessous des bras. Et on les prend et on les met avec lui dans le linceul avec lequel on l'enroule. Et ensuite, la femme, elle, si elle a les cheveux, quand elle a les cheveux longs, on lui tresse ses cheveux en trois parties, hein, en trois tresses, puis on les place derrière elle. On les met derrière elle. Et il dit أما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل كالمجزوم والمحترق أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته. Cheikh, il dit, ouais, si on craint, il dit par exemple, si on n'est pas capable de laver le corps parce qu'il n'y a pas d'eau et qu'on a peur que le corps commence à se décomposer en le lavant, ou comme par exemple quelqu'un qui a été brûlé ou quelqu'un qui est lépreux ou quelque chose comme ça, et bien dans ce cas-là, on le lave pas. Ou bien si par exemple c'est un homme, c'est une femme qui est morte et qu'il y a seulement des hommes mais il y a pas, le mari n'est pas présent, ou bien que c'est un homme qui est parmi des femmes qui est mort et il n'y a aucune d'entre elles qui est son mari, et donc dans ce cas-là on le lave pas. فَإِنَّ الْمَيِّتَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يُيَمَّمْ بِالتُّرَابِ وَبِمَسْحِ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ على يد الماسح. Il dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait le tayammum avec la terre. Donc on passe les mains sur le visage et sur les mains, sur les deux mains, par derrière un tissu ou un vêtement, sur les mains de la personne qui lave. Donc la personne qui passe ses mains sur le visage et sur les mains du mort pour faire le tayammum, il met un tissu sur ses mains, pas directement sur la peau de la personne avec ses mains nues. Et il dit, وإن تعذر غسل بعض الميت وغسل ما غسل ما أمكنه أو ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي. Donc il dit que s'il n'est pas capable de laver tout le corps du mort parce qu'il n'a pas suffisamment d'eau, supposément, par exemple, il n'a pas assez d'eau pour le faire pour le corps en entier, il lave ce qu'il peut du corps et puis le reste il fait le tayammum. Il dit wa yustahabbu liman ghassala mayitan an yaghtasila ba'da taghsilihi wa laysa dhalika biwajib. Il dit que c'est recommandé pour la personne qui a lavé un mort de se laver elle-même après, de faire le ghusl elle-même après l'avoir lavé, mais que ça ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui, puis demain on continuera le chapitre de Al-Janaza. Il reste encore beaucoup de points encore. On va essayer de le terminer demain. Comme ça la semaine prochaine, on va commencer le chapitre de la zakat inshallah. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera demain bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.